22.3 Production orale. Écoutez les dialogues suivants. Vous allez jouer le rôle du second personnage. 1. Écoutez. Est-ce que je peux téléphoner ? Oui, monsieur, au sous-sol, à côté des toilettes. Oui, monsieur, au sous-sol, à côté des toilettes. Oui, monsieur, au sous-sol, à côté des toilettes. À vous. Est-ce que je peux téléphoner ? Écoutez. Je voudrais téléphoner. Oui, monsieur. Les cabines téléphoniques sont au sous-sol, à côté des toilettes. Oui, monsieur. Les cabines téléphoniques sont au sous-sol, à côté des toilettes. Oui, monsieur. Les cabines téléphoniques sont au sous-sol, à côté des toilettes. À vous. Je voudrais téléphoner. Écoutez. Ah, Robert ! Comment allez-vous, mon cher petit ? Il y a longtemps que vous êtes arrivé ? Je suis arrivé avant-hier. Je suis arrivé avant-hier. Je suis arrivé avant-hier. À vous. Ah, Robert ! Comment allez-vous, mon cher petit ? Il y a longtemps que vous êtes arrivé ? Quatre. Écoutez. Je suis arrivé avant-hier. Ah ! Et comment allez-vous ? Vous avez fait un bon voyage ? Ah ! Et comment allez-vous ? Vous avez fait un bon voyage ? Ah ! Et comment allez-vous ? Vous avez fait un bon voyage ? À vous. Je suis arrivé avant-hier. Cinq. Écoutez. Et pour monsieur, qu'est-ce qu'il offre ? Un jambon de pays et un verre de Beaujolais, s'il vous plaît. Un jambon de pays et un verre de Beaujolais, s'il vous plaît. Un jambon de pays et un verre de Beaujolais, s'il vous plaît. À vous. Et pour monsieur, qu'est-ce qu'il offre ? Écoutez. Mais alors, pourquoi est-ce que je suis venu ici ? Mystère et boule de gomme. Vous en voulez ? Mystère et boule de gomme. Vous en voulez ? Mystère et boule de gomme. Vous en voulez ? À vous. Mais alors, pourquoi est-ce que je suis venu ici ?